Une belle queue attire toujours les dames. La belle sera comblée. De la bouche, du con et même du cul. L'urine jaillit de partout. Elle s'enfonce. 10, 15, puis 20 centimètres. Suce-la bien cette grosse queue avec ta gueule de gouine. J'ai mis sa queue dans ma chatte. Des bites prises et bien tenues en main. Enfoncées jusqu'aux couilles. Des gros sexes bien raides. Tout est bon pour jouir. Même le manche de la brosse à dents. J'ai eu la bite dans la bouche. Elle a toujours ce goût nouveau. Je l'avale avec délice. Promenant ma langue sous le gland. La queue se dégonfle et ne tarde pas à ressembler à une flaque de merde. Les deux mâles se branlent sur mes seins. Un jet de sperme jaillit. Ma langue humecte doucement son cou et se dirige vers son trou de cul. Mes doigts tripotent ses couilles. La sève m'inonde de la bouche et coule délicieusement dans ma gorge. La bite au cul, ça vous crève. Espèce de grosse queen conne. J'enlève toute cette merde dont ils m'ont parcouru. Oh, t'as j'aime mon cul. Oh. Et je lèche le bois de mon partenaire. Oh, dans ma pendant bouche. Qu'il pisse sur ma queue. Oh. Toute cette urine, toute cette merde, c'est l'extase. C'est vraiment beau le cul de Rose Green comme moi. Oh. Vivement de mon con. Oh. À toi maintenant. Oh. Oh, ta queue. Enfonce-la bien. Enfonce-la bien. Oh, oh ta grosse queue. Oh, jusqu'aux couilles. Le cochon éjacula en un violent coup de boutoir, énonçant un râle déchirant provoquant un nouvel orgasme à la truie. Un cri plus déchirant que les autres vint signifier que l'éjaculation de l'un des deux mâles parvenait à sa fin. Le son tumultueux des ébats de cochon s'orchestra à celui de la salope. Les queues en émoi dans le ventre de la truie. C'est l'orgasme des cochons. C'est l'orgasme des cochons. Thank you. À chaque fois, je dois virer du cochon à chauffer, à chauffer. Une vague de plaisir, de plus en plus grande, se propageait à la chute. Toutes ces profondeurs anales se secouaient de désir et appelaient ce goût surgissant qui s'affolait à l'autre. L'autre cochon m'enfonça sa queue et serrée dans son clitoris de gorgeon de l'eau. Le cochon éjacula un violent coup de boudoir, boudoir, boudoir de cochon. Et l'enfant en rabroussant provoqua un nouveau orgasme à la fille. Un cri plus déchirant que les autres ont signifié que l'éjaculation de l'un des deux mâles parvenait à sa fin. Le son tumultueux des débats de cochon s'apprécia à celui de la salade. Les queues en émoi sur le ventre de la truie, c'est l'orgasme des cochons, etc. Le cochon se dévêtit en marchant et l'autre cochon avait déjà jeté le fou, ce qui en disait suffisamment sur ses intentions. La victime ballottée entre leurs pattes charrie un peu de trinité qu'ils avaient rejeté. Ils la jetèrent sur la paille. Leur proférant toujours des grossièretés, elle gisait les mamelles haletantes dans une parfaite humilité. En fait, elle attendait sans résistance des supplices que lui préparait le démon. Brusquement, le cochon fondit sur elle. Il la prit par les hanches et la retourna sur le ventre en éprouvant ce joli maman dans ses pattes et s'allongeant sur elle. Il fit rouler son pénis entre les masses charnues de son oreille. Le cochon se délectait en marchant et l'autre cochon avait déjà le pénis tout érigé, ce qui en disait suffisamment sur ses intentions. La victime avait arrêté entre les pattes, charriant un peu d'insanité qui ne l'avait pas jeté. Elle la jeta sur la paille. Leur préférant toujours de concerter avec Gisèle, et même elle attend dans une partie de l'équité. En fait, il attendait sa résistance et surtout ce qu'on préparait les autres. Brusquement, le cochon fondit sur elle. Il la prit par les hanches et la retourna sur le ventre, en lui prenant ses jolies mamelles. S'allongeant sur elle, il fit rouler son pénis entre les mains charmées de son ventre. Sur son dos, le cochon monta et descendait en même temps. Chaque fois que le blanc viril du cochon échauffait le regard de son ami, une vague de plaisir de plus en plus intense s'emparait d'elle et se propageait par la chaîne. Toutes ces profondeurs anales se secouaient de désir et appelaient ce goût turgescent qui s'affolait à l'entrée. L'autre cochon lui enfonça sa queue serrée dans son clitoris de gorgeon du monde. Le cochon éjacula en un violent coup de boutoir, énonçant un râle déchirant provoquant un nouvel embrasement à tout. Un cri plus déchirant que les autres signifie que l'éjaculation de son démarre est un mal. Le son tumultueux des débats de cochon, la crise est très solide. Les débats de cochon.